cours numéro 21. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا قال قائل كيف تثبتون صفة الصبر ومعروف أن الصبر هو حبس النفس عن الانفعال إلى آخره فهذا صمون خلنا الصبر c'est le fait de se retenir. Il fait un mal et الصابر, il se retient hatta, il ne dépasse pas les limites. قد يقول قائل فكيف تثبتون هذا الوصف لله عز وجل بما فيه من مما ذكر عند من تفضل من يزيد الصبر عند المخلوق قد يكون ولا شك يعني عن أنه مثلا يعني إذا أذي لا يستطيع مثلا أن يرد بالأذى فيكون ضعفا في حقه أحسنت فالصبر قد يكون يعني متعلقا باسمه الحليم أنه لا يعجل بالعقوبة فيترك هذا الإنسان وكي يتوب إلى الله مثلا نعم يتركه مع مع مع تمام القدرة مع تمام القدرة فهو سبحانه وتعالى قادر أن يعاقب هذا المخلوق لكن يصبر عليه لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى رحيم كريم حليم إلى آخره هذا جواب أي une différence entre صبر المخلوق مثلا de l'être humain et صبر الله عز وجل la patience d'Allah il y a une énorme différence Allah subhanahu wa ta'ala ليس كمثله شيء Allah subhanahu wa ta'ala il ne ressemble pas à ses créatures et ses attributs ne sont pas comme ceux des créatures الجواب الثاني عند من تفضل الله ليس كمثله شيء في صفاته تقدم هذا الذي ذكرناه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته لله عز وجل لا أحد أصبر على الأذى سمعه من الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وكذلك celui qui appliquait le mieux هذه المعاني العظيمة أي الإثبات والنفي الإجلال والتنزيه إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على الله أو على الأذى سمعه من الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم لا يجوز دلسي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي غيره pour soi-disant s'écarter d'un mal لأن بعض الناس لا يثبتون هذه الصفة لماذا؟ لأن عندهم s'implique التمثيل s'implique une ressemblance entre Allah et sa créature فكأنهم ما أثبتوا هذه الصفة من باب الورع والعلم والتنزيه هذا في الحقيقة سيدي ضلال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأعلم البشر بالله عز وجل et si le fait de dire que la patience في حق الله ça serait un manque, une imperfection فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait jamais attribué هذا الوصف هذا سنجواب مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبت الصفة فقول النبي صلى الله عليه وسلم c'est une hujja. La parole du prophète صلى الله عليه وسلم c'est une preuve. بل ça fait partie de la révélation. فلا يجوز de soi-disant prendre des précautions ou s'écarter de certaines choses من باب أنه في حق الله عز وجل لا يليق. Alors que النبي صلى الله عليه وسلم أثبت. فتقدم معنا أن الأسماء والصفات Tout ça c'est min bab al-tawqif, ay labud min dalil. Et on a un dalil clair, et le hadith il est fi sahih muslim. Akhadna kadhalik ism al-samad. Ma dalil ala hadha al-ism? Tafattal. Ahsant. Allahu al-samad. Fama ma'na al-samad? Tafattal. نعم الرب الكامل هذا اسم من معاني الصمد ça va ressembler à quel اسم ها نعم الغني ان الله سبحانه وتعالى العظيم السيد كما قال الشيخ سعدي il a besoin de personne بل toutes les créatures elles ont besoin d'Allah سبحانه وتعالى فلهذا قال فهو الغني بذاته et là c'est un autre معنى ما هو تفضل أي يقصدونه لحاجاتهم إلى آخره أي toutes les créatures الحقيقة c'est lié au premier sens toutes les créatures elles doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala elles doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala لماذا لأن ces créatures elles peuvent pas vivre que si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut et que si Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne أما النافع والضار فتقدم معنا قال رحمه الله الظاهر أي من أسماء الله عز وجل الظاهر وهذا الاسم تقدم معنا باج نميرو 38 الأول والآخر والظاهر والباطن سي 4 نوم تقدمت معنا au début du livre qui c'est qui peut nous rappeler معنى الظاهر أن هذا الاسم يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل نعم هذا بك لطخ اسم أما الظاهر يدل كما قال على عظمة صفاته أن الله سبحانه وتعالى Il est au-dessus bi-dhatihi, azza wa jalla, et كذلك, il est au-dessus de toute imperfection. فهو الظاهر أي عظيم الصفات سبحانه أي il a les attributs parfaits et كذلك c'est الظاهر عز وجل أي il est فوق جميع المخلوقات وهذا تقدم معنا ولله الحمد قال العدل من أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك العدل تقدم هذا كذلك باج نميرو 56 ماذا قلنا نعم لم نعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم أما لا شك أن العدل من الأوصاف الثابتة لله عز وجل أنا بستي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قصة ذي الخويصرة ومن يعدل إن لم يعدل الله عز وجل ورسوله فهذا اسم باب الوصف أما أنه هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل صحيح صريح قال رحمه الله العزيز وهذا الاسم ذكر كثيرا في القرآن الكريم إلى سيتي قول الله عز وجل في الحاشية إن ربك هو القوي العزيز Et il a cité, Cheikh Saadi Rahimahullah, avec هذا الاسم, des noms qui sont proches de ism al-Aziz fi al-ma'na, et dans le sens. Al-Aziz, wal-Qawi, wal-Matin, wal-Qadir. Rahmatullah alayhi, il va expliquer ces quatre noms. Al-Aziz, wal-Qawi, wal-Matin, wal-Qadir. أما الأدلة فقال في الحاشية قوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا دليل من سورة الذاريات على اسم القوي والمتين et ces deux noms ils sont très proches في المعنى القوي c'est بمعنى المتين له صفة القوة أي القوة c'est la force فالله سبحانه وتعالى c'est القوي والقدير قال قوله عز وجل والله قدير والله غفور رحيم فقوله والله قدير فالله سبحانه وتعالى سأل قدير له صفة القدرة il est على كل شيء قدير أي الله سبحانه وتعالى il est capable de tout فالقوي المتين من له القوة الكاملة la force فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. القدير on a dit celui qui a القدرة المطلقة, il fait ce qu'il veut سبحانه. والعزيز أي له صفة العزة. العزة est traduit par la puissance, ça ressemble à la force. فلهذا هذه الأسماء ils sont liés في المعنى. قال الشيخ سعدي رحمه الله هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة. C'est quatre noms. العزيز القوي المتين القدير. Le sens il est très très proche. فهو تعالى كامل القوة عظيم القدرة شامل العزة إن العزة لله جميعا. فالله سبحانه وتعالى il est كامل القوة. القوة c'est la force et sa force elle est كاملة. Ça va impliquer que il est capable de tout, subhanah. Azim al-Qudra. C'est ce qu'on vient de citer. Shamilu al-Izza. Ay al-Izza, elle lui appartient, subhanah. Yu'izzu man yasha, wa yuzillu man yasha. Azza wa jal. Al-Izza, c'est la puissance. C'est lié avec al-Quwa et al-Qudra. فلهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال كما في المدارج العزة هي القوة والقدرة. العزة هي القوة والقدرة. العزة يترجم par la puissance. ابن القيم رحمه الله عليه فسر هذا الاسم أو هذه الصفة plutôt العزة l'attribut de العزة c'est quoi? C'est القوة et القدرة. Celui qui a القوة et القدرة فإلى العزة العزيز. فالله سبحانه وتعالى له القوة. إن الله هو الرزاق ذو القوة. فالله سبحانه وتعالى له صفة القوة. كذلك الله سبحانه وتعالى له صفة القدرة. والله قدير. إذن beaucoup de versets, beaucoup d'ayat, وهو على كل شيء قدير. Donc هذا الكلام il est مفيد حتى on comprend bien أن هذه المعاني tous ces sens ils sont liés et tu as besoin de هذا pour comprendre هذا الاسم. Mais une simple on répète traduction لا تكفي. Si on traduit العزيز par le puissant لا يكفي هذا. لا يكفي pour comprendre حقيقة هذه المعاني العظيمة et pour comprendre كذلك les versets du Coran الكريم. مثل هذا الكلام كلام أهل العلم اللي مفيد جدا. قال العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. فالعزة تشمل هذه المعاني. فقوله العزيز c'est celui qui a العزة et العزة ça englobe ces trois sens. عزة القوة ça revient à اسم القوي وعزة الغلبة والقهر ça revient à اسم القهار عز وجل وعزة الامتناع هذا سيأتي شرحه. قال فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات أي الله سبحانه وتعالى سي العزيز ومن معاني العزة عزة الامتناع أي لا يناله أحد من المخلوقات. لماذا؟ قال وقهر جميع الموجودات لأن الله عز وجل سي القهار سي القوي سي العزيز سي الجبار. كذلك تقدمت معنا هذه أو شيء من هذه المعاني في اسم الجبار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala la yana lahu ahadun min al-makhlouqat. Personne peut retirer une chose à Allah ou donner une chose à Allah ou contredire Allah subhanahu wa ta'ala fi mulkihi wa qudratihi. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut et tout ce que l'ibad ils font c'est bi qadar illahi azza wa jal wa qudratihi. Même ce que les gens ils font de mauvais, c'est Allah qui a décrété هذا لحكمة عظيمة. Tout ce qui se passe في ملك الله عز وجل c'est بإرادته عز وجل الكونية. Tout ce qui se passe c'est Allah qui l'a voulu. لماذا؟ لأنه c'est العزيز. Et في الحقيقة هذا الاسم il va t'aider à comprendre أخي الكريم une choubha que beaucoup de gens ils ont vu, bab al-qadr. Yaqulun, si Allah subhanahu wa ta'ala il a tout décrété, comment expliquer qu'il y a beaucoup de choses mauvaises elles se passent, les meurtres, les maladies, il a akhri, l'injustice. Yaqulun, كيف يقال أن هذا سمن قدر الله عز وجل. نحن دي نعم سمن قدر الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل سي العزيز. Et tout ce qui se passe في ملكه فسي إرادته الكونية. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété ces choses, فسي لحكمة عظيمة. لأنه سي الحكيم. الحقيقة, celui qui veut comprendre القدر, il faut qu'il étudie les noms d'Allah عز وجل. وإلا بعض الجهال فلا يعلمون من أسماء الله عز وجل إلا اليسير وبعضهم لا يعلم ربما شيئا ثم ils ont du mal à comprendre al qadar et ils pensent qu'il y a des contradictions. Là, il y en a, si on dit que tel mal, c'est pas Allah qui l'a décrété, c'est qui l'a décrété. Et le décret d'Allah عز وجل, le destin, il est fondé sur des maratib wa minha al khalq. Tout ce qui se passe, c'est Allah qui l'a décrété et c'est créé. Enfin, Allah Azza wa Jalla, il a créé toutes les créatures. Enfin, si on dit que ce mal, c'est pas Allah qui l'a décrété, donc c'est pas Allah qui l'a créé, c'est pas Allah qui l'a voulu, donc il y a un autre créateur, awwalan, ça c'est très très grave. Et kadhalik, il y a une chose qui se passe, fi mulkillah, que Allah il a pas voulu. Et ça contredit Ism al-Aziz. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq. Toutes les créatures, c'est lui qui les a créées, subhanah, et kadhalik c'est l'aziz. Wa min izzatihi izzatu al-imtina'. Personne ne peut faire une chose que si Allah y veut. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Qala wa qahara jami' al-mawjoudat. C'est le qahar, azza wa jal. Toutes les mawjoudat, les mawjoudat c'est les makhloukat, tout ce qui existe c'est تحت قهر الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, il guide qui il veut, il égare qui il veut, il donne à qui il veut, il reprend à qui il veut, il fait vivre qui il veut, il donne la mort à qui il veut, azza wa jal, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Ça montre أنه c'est le قهر. أما المawjoudat المخلوقات فإن sont تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وقهره. نحن peut pas faire ce qu'on veut. لا, Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui décide. لا شك أن الإنسان il a une volonté. لكن cette volonté est sous la volonté d'Allah عز وجل. أما الإنسان أنه il fait ce qu'il veut et ce qu'il fait c'est pas sous le décret d'Allah عز وجل. فهذا c'est من أبطل الباطل. قال ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. ثم أبقى بسيتي هذه المعاني بالجملة إذا ديتاي أو إلى ديتاي بلتو قليلا رحمة الله عليه. قبل ذلك ابن القيم الإمام رحمة الله عليه إلى استنفائدة جميلة في اللغة السلية بك هذه المعاني يرحمك الله. قال رحمة الله عليه في طريق الهجرتين ويقال عز يعز, هذه سين فائدة في اللغة طغبغة هذا الاسم هذا الوصف العزة فيقال أي العرب يقولون عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي. قال ومنه الأرض العزاز أي الصلبة الشديدة. فهنا العزة بمعنى القوة. Un des sens que الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a cité عزة القوة. لكن en arabe tu diras أي عند الفعل عز يعز. Tu diras pas يعز أو يعز. لا, tu diras بالفتح عز يعز. Ça c'est بمعنى القوة. عزة القوة. قال وعز يعز بالكسر إذا امتنع ممن يرومه. إذا امتنع ممن يرومه. Ça c'est عزة الامتناع. Quand c'est بالكسر أي الفعل المضارع عز يعز. La première c'est بالفتح عز يعز c'est بمعنى القوة. La deuxième بالكسر عز يعز بمعنى عزة الامتناع. Et la troisième عز يعز بالضم على وزن فعل. أما la première c'est بالكسر. قال عز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. أي بمعنى عزة الغلب والقهر. Comme il a cité Cheikh Saadi rahmatullah alayhi. Cheikh Saadi a bien cité les trois et on a rajouté هذا الكلام من باب الفائدة en langue arabe أن العزة تأتي بهذه المعاني الثلاث. قال رحمه الله فمعاني. On revient au كلام de Cheikh Saadi. فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. Ça c'est la première catégorie, عزة القوة. Et ça nous montre le lien entre اسم القوي et اسم المتين et اسم العزيز. قال وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. نعم قوة المخلوقات. Si tu prends l'exemple de l'être humain, كذلك il a القوة لكن c'est incomparable avec قوة الله سبحانه وتعالى. فمهما بلغ الإنسان من أو في القوة il aura toujours du ضعف. Arrivé à un moment, il sera limité. قوة البدن مثلا, si tu prends أقوى البشر, l'homme le plus fort, il sera limité. Si on prend l'exemple du port de charges lourdes, le fait de porter des charges lourdes, il sera limité. Allah a'lam, l'homme le plus fort, combien va pouvoir porter 150, 200 kilos, Allahu a'lam, et ça s'arrêtera là. أما الله سبحانه وتعالى فقوته لكاملة. قال وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد. عزة الامتناع أن الله عز وجل il a besoin de personne, il a pas besoin de شريك, il a pas besoin de من يعينه. لا الله سبحانه وتعالى سأل أحد سأل القهار سأل العزيز. قال وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد. هذا المعنى عزة الامتناع سأغمنيه معنى اسم الغني. قال ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه. فنحن نسيته au départ la première ma'na, anna personne ne peut faire de mal à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de ses ibad, il a les attributs parfaits, rien ne peut lui faire du mal subhanahu. Et كذلك ولا نفع, Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de personne. قال فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع. وهذه المعاني تقدمت معنا أن الله سبحانه وتعالى الضار النافع المعطي المانع. أما قوله الضار النافع تقدم معنا أنه من باب الإخبار, والشيخ سعدي يثبت هذه الأسماء. قال وعزة القهر la dernière, la troisième catégorie, والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته. هذا كنا سيتي بارابور او قدر ان جميع الكائنات, الكائنات ça ressemble à الموجودات, et tout ça c'est بمعنى المخلوقات اي les créatures, فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته. فلهذا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا personne ne peut repousser. Si Allah veut guider quelqu'un, personne ne peut le garder. Si Allah veut garder quelqu'un, personne ne peut le guider. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décrète que la nuit elle doit tomber, personne ne peut repousser hada. Personne ne peut faire venir le jour. Wa hakada, s'il fait jour, personne ne peut faire venir la nuit. Wa hakada. قال فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. هذا المعنى العظيم يثمر في قلوب عباده المؤمنين الصالحين دي معاني عظيمة. فجميع نواصي المخلوقات بيده أي الله سبحانه وتعالى في السكيل de cet être humain. S'il veut le guider, il le guide. S'il veut l'égarer, il l'égare. S'il veut lui donner, il lui donne. فَلَا يَتَحَرَّكْ مِنْهَا مُتَحَرِّكٌ et personne ne bouge. وَلَا يَتَصَرَّفْ مُتَصَرِّفٌ personne ne décide, ne fait une chose إِلَّا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَإِذْنِهِ que si Allah subhanahu wa ta'ala il le veut, il l'a décrété et il l'a décidé. Ça nous montre أَنَّنَا لَابُدْ أَن نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et تستفيد من هذا دي فوائد عظيمة إذا أصيب الإنسان بشيء. Si tu es touché par une épreuve, par une maladie, ou tu as manqué quelque chose, tu voulais مثلا acquérir une chose et tu n'as pas pu l'avoir pour certaines raisons, فهذه المعاني بإذن الله عز وجل ستفيدك جدا. أن الله سبحانه وتعالى il n'a pas voulu. الله سبحانه وتعالى il n'a pas قدر. الله سبحانه وتعالى il a décidé autrement. Que toi tu as voulu. قال فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. إذا سمعنا لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذكر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمي أن هذا الذكر كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. Et المعنى c'est هذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Et كذلك قوله إذا أراد الله سبحانه وتعالى أو plutôt الإنسان لا يتحول من حال إلى حال إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ما من حركة n'importe quel mouvement, le moindre mouvement, la moindre parole, la moindre décision, elle pourra avoir lieu que si Allah y veut. C'est pour ça que le fait de dire هذا الذكر العظيم c'est très très important خاصة pour celui qui comprend المعنى. Quand on dit لا حول ولا قوة إلا بالله et tout ce qu'il se passe et tout ce qui arrive c'est بإذن الله عز وجل et c'est Allah سبحانه وتعالى العزيز القوي qui décide, qui décrète. C'est pour ça que si nous arrive quelque chose de mauvais, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu hada. Et nous, bien sûr, on doit faire les causes. Lakin, هذه الكلمة في الحقيقة, elle va renforcer ton iman et ton tawakkul. كذلك, si une chose de bien, elle arrive, فسبي حول الله عز وجل wa quwwatih. كذلك, ça va t'aider à être modeste. Il y en a tout ce qui arrive comme bien, tout ce qui t'arrive comme bien, c'est بإذن الله عز وجل. Si Allah il aurait pas voulu que tu sois touché par ce bien, tu ne l'aurais pas eu. هذا لا شك que ça va donner à هذا العبد التواضع, la modestie. Et كذلك هذا العبد il va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a tout ce qu'il le touche comme bien, c'est بإذن الله عز وجل. Et كذلك ça va permettre au عبد de renforcer sa patience. Tout ce qui le touche comme épreuve, comme mal, c'est bihawlillah wa quwwatihi. C'est Allah qui a décidé هذا. La chaque que si tu as هذه المعاني العظيمة dans ton cœur et tu ne tombes pas dans الغفلة et tu prononces هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله بإيمان et كذلك بفهم. La chaque que هذا الذكر سيثمر في قلبك دي ثمرات عظيمة. Amma كثير من الناس prononcent هذا الذكر quand ils sont énervés. Quand ils sont énervés, ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. C'est devenu عندهم une parole que tu dis lors de l'énervement. Et هذا لا شك que c'est un نقص. Là, si tu es énervé et tu dis la hawla wa la quwwata illa billah parce que tu as compris les sens. فالطيب كذلك pour autre chose. لكن كثير من الناس ils prononcent l'adhkar et ils connaissent pas le sens. C'est pour ça que ça devient des automatismes par rapport à des sentiments. Wardanas, quand ils sont contents, ils disent des choses sans comprendre. C'est devenu une habitude. Wardanas, quand ils sont énervés ou tristes, rubbama yatalaffadun bi ba'd al-kalimat wa la yafhamun. Et là, chacun a le fait de l'avoir prononcé. Ça montre qu'il y a du khayr, lakin la yakfi. La yakfi pour profiter de hadhihi al-adhkar. Qala fa min quwwatihi واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. وقوته أنه il a créé les cieux et la terre en six jours. Et s'il aurait voulu, il les aurait créés directement. لكن الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم. Il les a créés en six jours, les حكمه. قال وأنه خلق الخلق ثم يميتهم. هنا يا خطا. Ils ont dans cette nusra ils ont accroché ثم avec يميتهم. Les deux kalimat sont séparées. ثم يميتهم ثم يحييهم. قال ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Ça c'est من قوة الله سبحانه وتعالى. Et c'est من قدرته عز وجل. Il est capable de tout. فمن هذه القدرة أن الله عز وجل c'est lui qui a créé toutes les créatures, il les fera mourir et il les ressuscitera. Et عند الله عز وجل c'est يسير. قال ما خلقكم ولا بعثكم. الخلق c'est la créature, le fait d'avoir créé la créature. ولا بعثكم. البعث c'est la résurrection. إلا كنفس واحدة. عند الله سبحانه وتعالى c'est comme pour un nefs. Les milliards de bachar, les milliards d'êtres humains et autres من المخلوقات que Allah سبحانه وتعالى il ressuscitera. Allah علم كم. La chèque c'est des milliards. فعند الله c'est comme un nefs. Il n'y a aucune différence. Le fait de créer une créature et la ressusciter, Allah, il n'y a aucune différence. Donc, créer une, la ressusciter, ou des millions, ou des milliards, ou akthar. Les ma'adha, les annahu, c'est le qawi. Qala, azza wa jal, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Ça nous montre, qawluhu wa huwa ahwanu alayhi, an Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qawi, il est ala kulli shay'in qadir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se fatigue pas. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, subhanah. Il fait ce qu'il veut et c'est le qawi. Contrairement à l'être humain. Même celui qui a de la quwwa, Obama, il va pouvoir porter telle charge. Une fois, deux fois, trois fois, une heure, deux heures. Même si on prend l'homme le plus fort, il se fatiguera. Au bout de quelques minutes, quelques heures, il se fatiguera et il ne pourra plus. Il est obligé de se reposer. Pour pouvoir reporter, même ce qu'il porte, ça sera limité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et il n'a pas besoin de se reposer, il ne se fatigue jamais, azza wa jal. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ أي مِنْ تَعْبِ قَالَ وَمِنْ آثَارِ قُدْرَتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. هنا هنا اهتزت. نعم في الآية اهتزت. On répète, قَالَ وَمِنْ آثَارِ قُدْرَتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً. À partir de هنا, في الحقيقة, il a cité un verset du Coran. فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. نعم, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. فالصواب اهتزت لعله وراد هذا. نعم, لأن السياق سياق الآية, فلعله أراد Al-Aya, la'allahu, c'est une erreur d'imprimerie. Au lieu d'avoir écrit un ha, tazzat, ils ont mis un عين اهتزت وينظر لكن في الايات اهتزت قوله ومن اثار قدرته انك ترى الارض هامده هامده قال الشيخ سعدي dans son tafsir khashi'a مغبره لا نبات فيها اي une terre où qu'il n'y a aucune plante une terre sèche qui a été asséchée لماذا لان cette terre elle n'a pas reçu de pluie elle n'a pas été arrosée فهي هامده قال فاذا انزل عليها الماء اي الله سبحانه وتعالى اذا انزل عليها الماء اهتزت قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه اهتزت اي تحركت بالنبات et ça c'est من قدره الله عز وجل les êtres humains s'ils se rassemblent tous pour faire revivre cette terre لا يستطيعون si tu leur enlèves l'eau et tu leur dis faites revivre cette terre vous utilisez pas l'eau d'Allah سبحانه وتعالى faites une chose et faites revivre cette terre لا يستطيعون cette terre elle vit qu'avec de l'eau فالله سبحانه وتعالى إذا أنزل عليها الماء اهتزت أي تحركت بالنبات صحيح tu vois une terre il y avait rien dessus ثم il pleut et tu repasses quelques jours après et tu vois des plantes des fleurs إلى آخره tout ça c'est بقدرة الله عز وجل قال وربت قال الشيخ سعدي أي ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتها نعم ربت أي toutes les plantes qu'il y a dessus وأنبتت من كل زوج بهيج صحيح certaines terres c'est des fleurs certaines terres c'est des plantes certaines terres c'est des fruits des légumes et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut tous ces légumes tous ces fruits sont de tailles différentes de couleurs différentes des goûts différents certaines plantes tu les utilises pour telle chose كذلك c'est utile pour la médecine et beaucoup de choses tout ça c'est من فضل الله سبحانه وتعالى قال ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات هذا كذلك كما في قول الله عز وجل وقد خلت من قبلهم المثلات نعم سورة الرعد المثلات قال الإمام القرطبي رحمه الله العقوبات قوله من أنواع العقوبات وحلول المثلات المثلات بمعنى العقوبات c'est la même signification فسي دي سينونيم قال الإمام القرطبي الواحدة مثلة فالمثلات c'est le جمع c'est le pluriel c'est comme العقوبات le singulier c'est عقوبة et le pluriel عقوبات مثلات المثلة نعم بالضم الثاء فمن آثار قدرته عز وجل أنه c'est lui qui a châtié المكذبين ceux qui ont démenti les messagers عليهم السلام وبعضهم il les a engloutis sous terre بعضهم il a envoyé un vent très très fort et il les a détruits بعضهم il les a noyés عز وجل كفرعون وقومه وهكذا الله سبحانه وتعالى في السكيل tout ça ça montre قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته وأنه لم يغني عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب كذلك هذا c'est un verset قوله تتبيب قال الشيخ سعدي dans son tafsir أي خسار ودمار وما زادوهم غير تتبيب أي خسار ودمار توسا في الحقيقة هذه المعاني صدوى نبوسية الخوف من الله سبحانه وتعالى وأن لا نغتر بأموالنا وبأولادنا وبقوتنا on doit pas se faire avoir se faire leurrer par ces choses tout ce que tu as ça vient d'Allah سبحانه وتعالى Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne, tu dois l'utiliser pour être reconnaissant, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont combattu Ibrahim, Banu Israël, qui n'ont pas cru au message de Moussa, de Isa alayhim salatu wassalam. Ba'dhum ils étaient riches, ba'dhum ils avaient des enfants, ba'dhum ils avaient de la quwwa, ba'dhum. Ça a été d'aucune utilité. من قوة الله سبحانه وتعالى كما تقدم أنه celui qui a créé l'insan est celui qui le fera mourir. Et l'insan, quand il meurt, il n'emporte rien avec lui. Il est tout seul dans son qabr, un linceul, faqat. Aliyada, celui qui médite sur ma hasal li al-aqwam, ce qui était avant nous, et estafi jitten. Tout ce qui leur est arrivé, c'est à cause de leur désobéissance. Et celui qui les a châtiés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأنه لم يغني تقدم قال خصوصا في هذه الأوقات فإن هذه القوة الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هكذا مقدرة هذه الأمم أي on vit à une époque فلهذا قال الشيخ سعدي خصوصا أي fait le lien entre les époques anciennes et notre époque nahnu khususan fi hadhihi al-awqat ay an notre époque fa inna hadhihi al-quwwa al-ha'ila sahih anna an notre époque l'être humain il a progressé, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont avancé dans beaucoup de domaines, que ça soit dans la médecine, que ça soit militairement, que ça soit dans beaucoup de domaines, dans l'industrialisation. Fa l'insan il a plus de quwwa qu'avant, que ce soit militairement, que ce soit les moyens de transport. Avant, il n'y avait pas d'avion. Avant, il n'y avait pas toutes ces armes. La médecine, ils étaient très, très limités. À notre époque, قال الشيخ سعدي وخصوصا في هذه الأوقات فإن هذه القوة الهائلة أي c'est une قوة كبيرة عظيمة والمخترعات الباهرة. المخترعات, c'est les inventions, que ce soit les moyens de communication, que ce soit les moyens de transport, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'armement, dans tous les domaines. قال التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من أقدار الله لهم وتعليمه لهم. Ça, ça nous montre أن المؤمن لا يغتر. Tout ce que les êtres humains الآن ils ont conçu, ils ont inventé, tout ça c'est من أقدار الله عز وجل. C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a قدر هذا, c'est Allah qui a facilité à ces êtres humains. La preuve, c'est que cet être humain qui a conçu cette chose ou qui a fait cette découverte, c'est Allah qui l'a créé. Si Allah ne l'aurait pas créé, il n'aurait rien pu faire. Thumma, c'est Allah qui lui a facilité beaucoup de choses. Est-ce qu'ils auraient pu inventer toutes ces choses sans le pétrole, sans les hydrocarbures, sans l'électricité, sans l'eau, sans le bois, sans le fer? Tout ça, c'est Allah qui l'a créé. Là, chacun de nous, ils font que découvrir certaines choses et les déformer, les associer pour faire certaines choses. Et tout ça, c'est Allah qui l'a voulu. Donc, fil haqiqa, ces inventions, si c'est des inventions qui n'y a pas de mal, l'être humain, normalement, il utilise ces choses, il en profite, et yashkurullah, subhanahu wa ta'ala. Et il reconnaît que tout ça, c'est bifadlillah. Et il dit, masha'Allah, il dit, la hawla wa la quwwata illa billah, il dit, alhamdulillah. Mahal al-kuffar, là. Toutes ces inventions et cette force, que ce soit militaire ou les communications ou autre, ils pensent que khalas, ils ont atteint un niveau qu'ils ne vont plus goûter la mort. Le kuffar, c'est des arbiya. On est tous sûrs qu'on goûtera à la mort. Tous. Même malgré ces inventions, malgré la médecine, malgré. Jamais ils ont réussi à repousser la mort. Ils n'y arriveront jamais. Et ma hada, a'iyadun billah, ils vivent. كأنهم يفهم بموير. قال هي من أقدار الله لهم وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه. صحيح. Qui c'est qui leur a appris tout cela? Qui c'est qui leur a donné la capacité de réfléchir, de voir, d'entendre, de faire des recherches? C'est Allah سبحانه وتعالى. أما هم يكون السريع à la base. قال فمن آيات الله أن فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئا في صد ما أصابهم من النكبات. Ça c'est من قوة الله سبحانه وتعالى, c'est من حكمة الله سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Toutes ces inventions, الحقيقة, ça leur sera d'aucune utilité après leur mort, et كذلك ça leur est d'aucune utilité quand ils sont touchés par une épreuve. تأمل ce qu'il se passe en ce moment en Chine, et comme tu le sais, ils ont découvert un virus qui leur fait beaucoup de mal. La Chine, c'est une grande puissance. Ils ont une armée énorme. Ils ont beaucoup de choses. Et c'est une umma qawiyya par rapport à beaucoup d'autres peuples. Et ta'ammalou le mal qu'ils ont fait aux muslimoun hunak. Abdu'afa, ils les ont enfermés, ils les ont châtiés bighayri haqq. Et al-muslimoun qui vivent en Chine et kadhalik, tous les musulmans de la planète, ils sont fidhav, ils ne peuvent rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala ebtalahum avec ce virus. En quelques jours, là, un des milliers de cas, ils sont à des centaines de morts. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Est-ce que leurs inventions, leurs forces militaires, leur nombre, haoula al-qawm, ils sont plus d'un milliard. C'est les plus nombreux. Et ma'ahada, ils ne peuvent rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala qadirun an yuhlikahum avec ce virus wa la yabqa minhum ahada, si il veut. Roubama, ça se propage encore plus, roubama ça s'arrête. Muhim, c'est une ibra pour nous. Amma hum aktharuhum la ya'qilun, ils réfléchissent pas. Hum, ils pensent que ils réfléchissent même pas d'où ça vient. Hum, pour eux c'est un virus. Roubama, ils vont citer une cause, anahu, ça vient de tel animal, ça vient de telle chose. Là, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a qaddar. لماذا لان هؤلاء سيد الظلم tout ça pour vous montrer que هذه القوات et toutes ces inventions المؤمن لا يغتر, ne te fais pas avoir akhil kel par l'Occident, par la Chine, où ils ont avancé dans la technologie, dans la taghtar. قل متاع الدنيا قليل, combien de temps ils vont vivre. بعضهم سنين, ils ont sacrifié leur famille, leur temps, leur bien-être, que pour ces inventions, que ce soit dans la communication, ou dans l'armement, ou dans le transport des grands chercheurs sunnites. Hatta leur famille ne les voyait pas beaucoup. À la fin, quand sa découverte, elle commence à apporter des fruits à Mout, ils profitent de rien. Ceux qui viennent après, ils profitent. Obama, un musulman, ils profitent, fil halal, et alhamdoulilah. Tu n'as pas perdu ton temps, tu n'as pas gaspillé ton argent, tu profites de ce qu'il a, de cette recherche, alhamdoulilah. Tu te fais soigner, Obama, ou tu profites de ce téléphone ou de ce moyen de transport, ça s'arrête là. Et tu fais des a'mal pour l'akhira. Ammahum, al-zalamat, ils pensent qu'à dunya. Et ils oublient l'akhira, alors qu'on est tous d'accord qu'ils mourront, comme nous. Il n'y a aucune différence. La taghtar. Là, normalement, on doit envier ceux qui vont avancer dans l'ilm. Al-ulama. On doit les envier et كذلك faire des efforts pour devenir comme eux. Non, une personne qui a du ilm, une personne qui a du khir, tu l'envies. Pas la jalousie al-mazmoum, on a déjà expliqué al-hadith kathiran. Ben non, haoula non, لماذا لأنهم ils font quelque chose qui va être très très utile, في الدنيا وفي الآخرة. Amma haoula في الحقيقة, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont pas heureux. La tazun, كما قال الشيخ سعدي, في صد ما أصابهم من النكبات. النكبات c'est النكبات المصيبة, les épreuves. Un kafir, il est malheureux. Même si de temps en temps, ربما يستريح, ou il est heureux dans certaines périodes de sa vie, لكن كثيرا منهم, ils sont pas tranquilles, ils sont pas contents, ils sont pas heureux. لماذا؟ لأن الله عز وجل, c'est lui qui guide les cœurs. أما المؤمن ربما il a rien, ou il a pas grand chose. لكن il est في راحة. لماذا؟ لأن الإيمان. الإيمان والذكر وقراءة القرآن التوكل على الله كذلك. L'apprentissage de هذه المعاني, ça vaut toutes leurs inventions. Il n'y a aucune comparaison. ولله الحمد. لكن vu que كثير من المسلمين ils sont attirés par الدنيا فاغتروا بالكفار من هذا الباب. عندهم que les musulmans ils apprennent le Coran ou le Sahihain, qu'ils fassent des efforts pour l'aqida, qu'ils écrivent des livres, qu'ils transmettent. Ils ne donnent pas d'importance à هذا. Ils sont attirés par autre chose. Ils sont attirés par dunya. Et vu qu'ils voient l'énorme différence entre les kuffars ou les musulmans fait dunya, فيغترون بالكفار و leurs frères musulmans l'ihtiqar ou l'istihza. Et ils ne les prennent pas en considération. لماذا لأن leur mizan c'est هذا. Mais nous, on n'a pas besoin de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Qawi, c'est Al-Aziz. Et notre vie, c'est pas pour هذا. Notre vie, c'est, ça doit être لله عز وجل. قال ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة مع بدل جهدهم أو جدهم نعم الجد والاجتهاد جدهم بدل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك ولكن أمر الله غالب وقدرته تنقاد لها عناصير العالم العلوي والسفلي نعم كما تقدم قال ومن تمام عزته وقدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم وهي أيضا أفعالهم ساس من عزة الله عز وجل وقدرته أنه celui qui a créé l'être humain et كذلك c'est celui ou celui عز وجل qui a créé les œuvres de l'être humain. Enfin, tout ce que l'être humain y fait, comme bien ou comme mal, c'est Allah qui l'a créé. Et il a cité le verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. قال وهي أيضا أفعالهم فهي تضاف إلى الله خلقا وتقديرا وتضاف إليهم فعلا ومباشرة. Donc أفعال العباد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. Et on dit que tout ce que l'être humain il fait, il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété que cet être humain il fera telle chose, il dira telle chose. هذا أولا. قال وتضاف إليهم أي إلى العباد فعلا ومباشرة على الحقيقة. Et كذلك هذا الفعل, on dit que c'est une action de cet être humain et c'est lui qui fait vraiment cette chose. Attends, s'il insulte, s'il vole, s'il ment, c'est lui. S'il fait salat, il fait le hajj, il fait le siyam, c'est lui. Et tout ça, c'est Allah qui l'a créé. Allah, il a créé cet être humain et ce qu'il fait. قال ولا منافاة بين الأمرين. لأن بعض الناس هنا ils ont un إشكال. On revient au qadar comme on a cité au début du cours. بعض الناس يقولون comment vous prétendez أن الله عز وجل c'est lui qui a créé cette chose mauvaise. مثلا cet être humain qui fait une injustice, c'est Allah qui a créé cela. Et c'est Allah سبحانه وتعالى qui a décrété cela. فهم يقولون comment vous prétendez cela? كأنه il y a une contradiction. Cheikh Saadi قال ولا منافاة بين الأمرين. Il n'y a aucune contradiction. فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم. Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé leur volonté. La volonté de cette personne, c'est Allah qui l'a créé. لماذا لأن cette personne elle est créée. Et bien sûr la volonté de la personne elle est créée. Et tout ce qu'il fait c'est créé. وخالق السبب التام خالق للمسبب. قال تعالى أو المسبب قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé السبب وخالق السبب التام خالق للمسبب. فالله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé la cause et celui qui l'a fait. فالله سبحانه وتعالى c'est خالق الجميع أي l'être humain et tout ce qu'il fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On répète, les anna, celui qui prétend qu'Allah, c'est pas lui qui a créé le mal, ou c'est pas Allah qui a qadar le mal. Enfin, c'est lui qui va être dans une contradiction. Les anna, maintenant, on va lui dire, et qui c'est qui a créé cette chose? Est-ce que tu prétends qu'il y a un autre créateur? Il va dire, là. On va lui dire, donc c'est Allah qui l'a créé. Thumma, on va lui dire, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété hada? Si il dit non, on va lui dire, donc, il y a des choses, elles ne font pas partie du destin. Et ça, c'est très très grave. Il est obligé de dire na'am. Et le jawab, il est sale. En Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a décrété cette chose pour toi, elle est mauvaise. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikma azim. Fi'luhu, comme on a dit dans un des durus, le précédent, Adam, fi'lu Allah subhanahu wa ta'ala, kulluhu khayr, il est fondé sur la hikma. Amma shar qu'il y a dans le maf'oulat, dans le makhlouqat. Matalan, fulan, il fait un meurtre. C'est un mal. La shak, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a décrété cette chose. Fi'lullah. Et son décret s'est fondé sur le hikmah et le khayr. Enfin, cet être humain, il a fait une chose de mauvaise, c'est lui qui l'a fait. Lakin Allah, il a une hikmah. Allah, il a une hikmah azima. Rubbama, cet être humain, cette chose, ça va impliquer d'autres choses bonnes. ربما il va regretter, ربما il va faire tauba, ربما cet être humain qui est mort, il allait vivre, il allait, s'il serait encore vivant, il aurait été touché par telle et telle chose, Allah il a voulu son khair muhim. Tu peux trouver des dizaines ou akthar de hikam. Et hada c'est wadih li man ta'ammal bi insaf. Mais بعض الناس ils ont du tanattu' fi hada al-bab. Ils exagèrent. Bab al-qadr, celui qui pose trop de questions ou qui veut rechercher des contradictions, rubbama yahlak. Hada al-bab, il faut pas essayer de chercher des contradictions. بعضهم عياذا بالله في هذا الباب ils réfléchissent comme s'ils faisaient des mathématiques. Ils essayent de emmener des problèmes. Dans les mathématiques, là, bas, ça fait pas perdre le temps. بعضهم c'est leur métier. Ils emmènent des problèmes pour trouver les solutions. Et rubbama احيانا il reste des jours, des années pour résoudre certains problèmes. هذا الباب c'est pas comme ça. هذا الباب c'est سمعنا وأطعنا. Allah il a tout créé, il a tout décrété, c'est l'Aziz, c'est le Hakim, tu t'arrêtes là. Fais des œuvres. Ne laisse pas الشيطان يتمكن منك. بعض الناس au lieu d'œuvrer, ils font que réfléchir à هذا حتى ça les pousse à délaisser l'amal. لماذا لأن à force de réfléchir. Pourquoi? Mais pourquoi je fais? Si Allah il sait pourquoi on fait, il a akhir. حتى son cœur il faiblit et le résultat c'est qu'il applique plus, il a des doutes. Et c'est ce qu'il veut الشيطان. Là, حسن الظن بالله c'est مهم. Alhamdulillah, si tu étudies ce genre de livre, tu apprendras qu'Allah c'est le Hakim. Tout ce qu'il fait, il y a des sagesses. Et كذلك Allah سبحانه وتعالى c'est le قوي, c'est l'عزيز. Il a tout décrété. سبحانه كذلك Allah c'est الخالق, il a tout créé. فاستريح et fais des bonnes œuvres. Et tu ne seras jamais interrogé sur ce genre de questions يوم القيامة. Al-Qadr, c'est sirrullahi subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Et ce qu'on a besoin, on le comprend. Il n'y a aucune contradiction entre le fait que tes œuvres elles soient créées et tu as le choix. Il n'y a aucune contradiction. Allah, il t'a créé toi et tes œuvres, il t'a donné le choix. Et ce choix qu'il t'a donné, c'est le destin. Et arrête-toi là. Alhamdulillah, tu as le choix, on est tous d'accord. Fais du bien. Mathalan al-an, ma minna, walillahi alhamd, s'il veut faire du bien, il fait du bien. La preuve, on a voulu faire du bien, wallahi alhamd, on fait ce dars ensemble. Wahid, il aurait pu décider de ne pas venir. Si celui qui est venu, c'est bi qadarillah, et si on qadr wahid, il n'aurait pas voulu venir, c'est bi qadarillah. Aïn al-ishkal, il n'y a aucun problème. Fais du bien. Et quand tu fais le bien, alhamdulillah, c'est bi qadarillah. Écarte-toi du mal. Ma ba'd al-nas, iyadan billah, à cause de ce genre de ishkalat, et haqiqa, ça vient de shaitan, ils se font beaucoup de mal. Fais du bien. Maintenant, l'un après le dors, l'un. Est-ce que tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour toi? Là, personne ne sait. Allahu alam, pour nous, ça fait partie de l'invisible. Fais-moi une bonne niya. Après le dors, tu as l'intention de faire telle chose, des bonnes choses, inshallah. Quand tu sors, fais les efforts. Peut-être que tu vas aider un pauvre, tu vas te préparer pour aller au masjid, peut-être que tu vas réviser, peut-être que tu vas sortir tes enfants, peut-être, beaucoup de hasanat à faire. Fahada, on ne sait pas nous ce qu'on va le faire amla. Donc dès qu'on finit le dors, on a une bonne intention, on essaye de faire ces choses. À la fin de la journée, si tu as fait ces choses, alhamdulillah, c'est min al-qadr. Donc on dort une bonne intention, tu as fait et c'est min al-qadr. Amma wahid l'an, si il pense à faire du mal, qui c'est qui lui a dit de penser au mal? Pense au bien. Et كذلك بعض الناس ont des wasawis, ils disent mais c'est le destin. Lakin anta tu sais pas là, tu l'as pas encore fait. Donc au lieu de penser mauvais, iyadan billah, pense à faire du bien et inshallah ça sera ton qadr. Amma l'an, on sait pas nous est-ce qu'on va faire du bien ou du mal, fait pense au bien. Alhamdulillah, on l'a détaillé كثيرا. قال ومن أو قبل ذلك قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصرة أوليائه على قلة عددهم وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ça c'est une فائدة عظيمة. أن من آثار قدرته Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Aziz, subhana. C'est Al-Qawi. Fa min athar qudratihi annahu is secours, c'est Awliya. Aïe, ibadullahi al-mu'minin as-salihin, il les secours contre qui? Contre ses ennemis. قال على قلة عددهم وعددهم. العدد c'est le nombre, والعدة c'est le matériel, les armes, etc. فأحيانا tu trouves عباد الله المؤمنين ils sont beaucoup moins, et tu trouves أن أعداء الله الكفار ils sont beaucoup plus nombreux, et Allah سبحانه وتعالى il secourt ses عباد. لماذا؟ لأنه c'est القوي, c'est العزيز, il fait ce qu'il veut. Et celui qui a lu As-Sira, beaucoup de غزوات المؤمنون, الصحابة رضي الله عنهم, quand ils étaient avec النبي صلى الله عليه وسلم, أحيانا ils étaient beaucoup moins. في غزوة مؤتة, ويقولون أن الصحابة رضي الله عنهم, ils étaient à peu près 3000, et les kuffar, ils étaient des milliers. Ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et مع هذا, Allah سبحانه وتعالى نصرهم. لأن الله, il est capable de tout. في غزوة بدر, les mu'minoun, ils étaient peu par rapport aux kuffar. Les kuffar, ils étaient, madri, combien de fois plus. هذا كذلك نستفيد منه une faïda عظيمة, أن القوة, c'est pas par rapport au nombre. لا. القوة, c'est par rapport à تحقيق هذه الولاية. لأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Celui qui ينصر الله, أي دين الله, c'est un ولي, الله ينصره. Ça n'a rien à voir avec le nombre. فلهذا, tu trouves في بعض الأماكن المؤمنون, ils sont beaucoup plus nombreux que les kuffars, ils n'arrivent pas à voir le dessus. Et tu trouves أحيانا المؤمنون, ils sont beaucoup moins, ils ont le dessus. Donc, بتحقيق هذه الولاية, النصرة, elle viendra بإذن الله عز وجل. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire, ou pour حقق هذه الولاية? C'est l'Iman. C'est التقوى. C'est العمل الصالح. C'est تطبيق القرآن والسنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Donc, si Allah سبحانه وتعالى décide, les mu'minoun, ils auront le dessus. قال ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. Ça c'est من آثار قدرته عز وجل. أنه il a préparé pour الكفار النار, l'enfer. Il a préparé pour المؤمنون الجنة. Et tout ça bien sûr c'est بإذن الله سبحانه وتعالى لا ينقطع ولا يتناهى. Et tout ça, ça sera pour l'éternité. فاسم عظيم, اسم العزيز. Et كذلك les noms que الشيخ سعدي l'a rajouté, vous avez remarqué que في الحقيقة ces noms ils sont liés, اسم العزيز, اسم القوي, اسم المتين, اسم القدير. Et on a الحمد لله profité de هذا الكلام بعض الآثار, آثار الإيمان بهذه الأسماء. On peut rajouter pour conclure, من آثار الإيمان بهذه الأسماء تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. الله سبحانه وتعالى c'est العزيز, c'est القوي. Ça montre qu'il n'a pas d'imperfection. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه, ومن تمام عزته عز وجل براءته من كل سوء وشر وعيب. فإن ذلك ينافي العزة التامة. العزة التامة أي العزة الكاملة, la puissance complète, parfaite. Ça fait partie des attributs d'Allah. Allah سبحانه وتعالى c'est العزيز. Et هذه العزة, ça prouve que Allah il a pas d'imperfection, il a pas de manquement, il a pas de défaut أبدا. فنحن يجب علينا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. On fait attention à داء التعطيل وداء التمثيل. Allah سبحانه وتعالى il ressemble pas aux créatures. عز وجل. Allah سبحانه وتعالى il est parfait. On fait attention كذلك à ما يتعلق بباب القدر. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن البعض, لماذا ils ont des problèmes à comprendre بعض المسائل القدر؟ لأنهم ils comprennent que c'est de l'injustice. فلهذا ils rejettent. أما celui qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adla, c'est l'hakim, c'est al-rahim, azza wa jal, c'est l'qawi, c'est l'aziz, falhamdulillah, il n'y a aucune contradiction, wa hada taqaddam ma'ana. Kadhalik, min al-thamarat qu'on peut citer, al-khawf min Allah, azza wa jal. كما قال الشيخ السعدي رحمه الله ومن آثار قدرته إلى آخره أنه أعد لأهل النار عقوبات عظيمة. الله سبحانه وتعالى il a préparé pour les gens de l'enfer un châtiment terrible. هذا ça doit nous pousser à avoir peur. لأن الله عز وجل عزيز قوي في ce qu'il veut. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كذلك الله سبحانه وتعالى c'est العزيز يعز من يشاء. Vu que c'est l'Aziz, il donne l'Izza à qui il veut. Et كذلك يذل من يشاء. الذله c'est le contraire de l'Izza. L'Izza c'est la force, le fait d'être élevé. La الذله c'est le contraire, le fait d'être humilié, rabaissé. عياذا بالله. Donc l'insan يحذر. Et l'Izza والذله bien sûr, ils ont des causes. ثالثا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فسنمتخ كوا كما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى سيف السكور عن peuple il les secours même s'ils sont moins nombreux même s'ils ont moins de matériel que les autres هذا ça nous pousse à ne pas se faire tromper par الكفار et ne pas chercher العزة عند أعداء الله. Al-Izza, c'est la force, c'est la puissance, c'est walillahi alhamd, le fait d'avoir la tête haute, ne pas se rabaisser, tout ça c'est fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Hakadha qala Umar radiyallahu anhu. Faman ibtagha al-Izza fi ghayr al-Islam adhallahu Allah. On a déjà expliqué walillahi alhamd ce athar dans une kalima ma'a ba'd al-ikhwan. Celui qui veut l'Izza, c'est Fidinillah. Celui qui cherche cette fierté, cette force, cette puissance, dans autre que Dine, Allah il l'humiliera, il le rabaissera. Bardenas, il pense que pour avancer, il faut ressembler aux kuffars dans la tenue vestimentaire, il faut parler comme eux, il faut penser comme eux. Si tu fais trop apparaître ton islam pour eux, tu peux choquer, tu peux te faire rejeter, tu ne vas pas avancer, que ce soit au niveau travail ou autre, tout ça c'est batil. L'Izza c'est l'Allah subhanahu wa ta'ala. Applique ton din, tu mangeras comme les autres, tu travailleras comme les autres, wallahi alhamd, lakin bi'izza. Ne te rabaisse jamais, ne fais pas de concession dans ton din. Et on peut citer كذلك التواضع مع إخوانك المسلمين لأن العزة لله عز وجل. نحن on possède rien, on est des ضعفاء. فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Et العزة elle est l'Illahi Jami'a, Azza wa Jal. Nous sommes des ibad, du'afa, ça doit nous pousser à la modestie. La tatakabbar ala akhik. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné plus de quwwa, plus de ilm, plus de courage, et robama ton frère il a des faiblesses, la tatakabbar alay. La. Yana, tu sais que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en plus, c'est min fadlihi, normalement tu dois te rabaisser pour ton frère. Tu dois avoir de la rahma pour lui, ne pas l'humilier, ne pas en profiter. Comme a dit Azza wa Jal, adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. Amma ma'a al-kafir, na'am. Izza wa quwwa. Ne pas se rabaisser, khassatan ma yata'alaq bid-din. Amma avec ton frère, plus tu as de la modestie, plus c'est tayyib. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala من فضله نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.